17-7, activation orale, métier au masculin et au féminin. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Il est fermier. Et vous dites. Elle est fermière. 2. Il est ouvrier. Elle est ouvrière. 3. Il est berger. Elle est bergère. 4. Il est boucher. Elle est bouchère. 5. Il est infirmier. Elle est infirmière. 6. Il est boulanger. Elle est boulangère. 7. C'est un couturier. C'est une couturière.